Au fur et à mesure des années, je comprends que rien ne sert de lutter. Apparemment, avec le temps, on s'améliore. Enfin, ça dépend des gens. Avec le temps va, tout s'en va et puis voilà. Moi j'ai compris que mon sort dépend de mes erreurs. Si j'accepte ou non tous mes torts, peut-être serai-je meilleur, qui sait. On n'a pas tout compris, même sur son lit de mort. Alors j'apprends la vie pour devenir plus fort, plus fort. Je m'en fous, j'apprends de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'entoure. Je m'en fous, j'ai le temps de devenir un vieux con tout seul sur son divan. J'aime prendre le temps d'aller encore plus vite, croquer la vie à plein dents. Je m'en fous, j'apprends, je m'en fous, j'apprends. On a du mal à se relever, parfois, je sais. Du grabuge qui génère les embûches que la vie s'attelle à semer. Mais faut sortir la tête, savoir tirer des conclusions, histoire de se coucher moins bête et faire le tour de la question. Où, quand, qui, quoi, comment, pourquoi. J'aime converser un peu avec mes soucis. Ceci dit, plus je galère et plus j'en chie et plus j'en sors. Grandis, grandis. Je m'en fous, j'apprends de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'entoure. Je m'en fous, j'ai tant de devenir un vieux con tout seul sur son divan. J'aime prendre le temps d'aller encore plus vite, croquer la vie à plein dents. Je m'en fous, j'apprends, je m'en fous, j'apprends. Et même si je suis novice, les aléas sont mes complices et j'avance à mesure que le temps glisse. Mes faux pas, mes supplices me font mûrir et chaque jour de mes ennemis, de mes amours, j'apprends, j'apprends. Je m'en fous, j'apprends de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'entoure. Je m'en fous, j'ai tant de devenir un vieux con tout seul sur son divan. J'aime prendre le temps d'aller encore plus vite, croquer la vie à plein dents. Je m'en fous, j'apprends, je m'en fous, je m'en fous, j'apprends de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'entoure. Je m'en fous, j'ai le temps de devenir un vieux con tout seul sur son divan. J'aime prendre le temps d'aller encore plus vite, croquer la vie à plein dents. Je m'en fous, j'apprends, je m'en fous, j'apprends.